Le mardi 13 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. La Ville de Québec reconnaît des ratés dans le déneigement du centre-ville. Au lendemain d'une tempête qui a laissé une quinzaine de centimètres, le ramassage de la neige n'a toujours pas été effectué dans les arrondissements de la cité Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Les bancs de neige en bordure des rues font rager piétons et automobilistes. Le responsable des travaux publics, Jonathan Julien, a expliqué à Radio-Canada que la décision de procéder à une opération déneigement doit être prise avant midi. Or, les équipes de la Ville ont jugé à ce moment hier que les opérations les plus urgentes se trouvaient en banlieue. La Ville entend revoir la chaîne de commandement pour voir si elle ne peut pas rendre plus souple ce processus. Mais la neige ne fait cependant pas que des malheureux. Pour la première fois, l'hôtel de glace prévoit accueillir ses premiers visiteurs à la fin décembre. Le site devrait être accessible entre Noël et le jour de l'an en raison de la météo favorable. L'organisation prévoit que 50% de la structure externe sera complétée dès la fin de semaine prochaine. Rappelons que pour cette 17e édition, l'hôtel de glace déménage sur le site du village Vacances Valcartier, qui s'en est porté acquéreur pour la somme de 5 millions de dollars. L'hôtel de glace comportera 44 chambres et aires publiques. Le thème retenu cette année met l'accent sur l'univers nordique et un grand spectacle pyrotechnique est prévu le 20 janvier pour en marquer l'ouverture officielle. Enfin, le premier ministre Philippe Couillard qualifie de regrettable la manifestation des juristes de l'État qui ont perturbé ce matin la visite du prince Albert de Monaco. Les avocats et juristes en grève depuis le 24 octobre dernier ont profité de ce sommet diplomatique pour dénoncer le blocage de leurs négociations avec le gouvernement. Ils se sont montrés bruyants à l'arrivée du prince à l'Assemblée nationale. M. Couillard a dénoncé le fait qu'un événement diplomatique soit perturbé alors qu'il n'a rien à voir avec les revendications, mentionnant que le prince de Monaco est de passage à Québec aujourd'hui à l'occasion du forum de l'Arctic Circle qui se termine aujourd'hui. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement dégagé présentement sur Québec, mais il y aura ennuagement cet après-midi et les averses de neige débuteront tard cet après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à moins 6 degrés aujourd'hui. Présentement, on a moins 9 degrés à Québec. Les averses de neige qui se poursuivent ce soir et cette nuit, il y aura de la poudrerie par endroits tard ce soir et au cours de la nuit et une accumulation de 5 cm sur le secteur nord. Demain mercredi, un maximum de moins 6 degrés avec 60% de probabilité d'averses de neige.